dans les sentiers. Adieu la belle, au cœur au loup, à son ennui, par mon amour. Si l'étendard passe sur nous, c'est bien ton tour. Pour les oiseaux, oui, j'irai vers le soleil pour y chanter.